À propos de l'ouverture du grand rassemblement pan-national pour la réunification consacré au 71e anniversaire de la libération de la patrie, le comité préparatoire du Nord pour la conférence conjointe de tous les partis politiques, organisations et personnalités du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la paix dans la péninsule coréenne et la réunification indépendante a envoyé la lettre ouverte au secrétaire général de la Maison Bleue, au chef de bureau de sécurité d'État de la Maison Bleue, au premier ministre et à d'autres personnalités des autorités, des organisations politiques, sociales et individuelles de Corée du Sud.